Chapitre 12. Réveil. Il était tard dans l'après-midi quand Lagnard se réveilla d'un sommeil si profond et si noir qu'il avait fallu pour le produire un parfait épuisement de tout son organisme, à la fois nerveux, musculaire et mental. Une léthargie profonde et brumeuse obnubilait ses sens. Il avait de la stupeur dans le cerveau et une douleur sourde dans les membres. Il ouvrit des yeux vagues à la morne obscurité. Dans ses oreilles bourdonnait un vaste silence. Et dans cet étrange moment de réveil, il n'avait pas conscience de son individualité. C'était pour l'heure comme s'il eût passé durant son sommeil d'une existence dans une autre, dépouillant par la même occasion sa triple personnalité de Marcel Troyon, de Michael Lagnard et du loup solitaire. L'un quelconque de ces noms prononcés alors en sa présence n'aurait rien signifié pour lui, ou presque rien. Il n'était plus en cet instant rien d'autre que lui-même, une coque de sensations renfermant des tisons rougeoyants de vitalité. Durant quelques minutes, il resta couché sans remuer, singulièrement intrigué par cette énigme d'identité. Ce fut seulement peu à peu que son esprit, telle une main explorant à l'aveugle une chambre obscure, recueillit des bribes de souvenirs. Une à une, les connexions se rétablirent, les circuits se refermèrent. Mais chose assez bizarre à son point de vue, sa première pensée fut pour la jeune fille, là-haut dans l'escalier, inconsciemment sa prisonnière et son otage, plutôt que pour lui-même, qui était couché ici, tout appesanti de sommeil, et s'efforçant péniblement de se retrouver lui-même. Car il ne se reconnaissait plus. Où gisait la différence, il n'eût su le dire, mais il était persuadé que cette différence existait, qu'il avait changé, que quelque étrange réaction des chimies de son être s'était produite durant son sommeil. On eût dit que le sommeil avait non seulement réparé les ravages de la fatigue sur les tissus de son cerveau et de son corps, mais qu'il avait en outre amendé les tissus de son âme. Ses pensées avaient pris un cours nouveau. Ses intérêts cessaient d'être ceux du Michael Lagnard qu'il avait connu et n'étaient plus concentrés sur lui-même, les intérêts de l'unique moi. Même à cette heure où il eût dû ne se soucier que de lui-même, il s'en préoccupait beaucoup moins que de cette jeune fille, Lucia Bannon, qui ne lui était rien, qu'il connaissait depuis 48 heures à peine, mais à qui il ne pouvait cesser de songer en dépit de ses efforts. Troublé et mal à l'aise, il s'avisa enfin de consulter sa montre. Mais il n'en croyait pas ses yeux. Sûrement, il ne pouvait être 5 heures du soir. Sûrement, il ne pouvait pas avoir dormi presque le tour du cadran. Et s'il en était bien ainsi, qu'était-il advenu de la jeune fille? Avait-elle eu également un tel besoin de sommeil que le bref jour de novembre s'était levé et couché sans qu'elle s'en aperçût? Cette question était bien faite pour le stimuler. À l'instant, il fut debout et chercha son chemin à tâtons dans l'obscurité profonde qui emplissait la chambre à coucher et la salle à manger jusqu'à la porte de l'escalier dans le vestibule. Bien entendu, il la trouva fermée, puisqu'il en avait toujours la clé dans sa poche. Et l'ouvrant en hâte, il projeta les rayons de sa lampe électrique parmi la cage obscure, sur la porte du haut, qui était hermétiquement close. Quelques minutes, il prêta l'oreille à un morne silence que ne troublait aucun bruit. Il eût pu se croire l'occupant solitaire de la petite demeure. En hésitant, il éleva le pied vers la première marche, puis le rabaissa. Si elle dormait toujours, à quoi bon la déranger? Il avait beaucoup à réfléchir, afin de mettre les choses au point, et pour cela, mieux valait la solitude. Il alla à l'une des fenêtres de devant, écarta les rideaux, et regarda au dehors par-delà le petit jardin, à travers les ouvertures de la grille, sur la rue, où un unique bec de gaz, vacillant parmi un vague halo doré de brume, laissait voir la longueur de l'impasse Stanislas, vide, fouetté par la pluie, sinistre. La pluie tombait comme si elle ne devait plus jamais s'arrêter. L'aspect désolé de cette courte perspective assombrit encore l'imagination de Lagnard et creusa dans son front une ride soucieuse. Distraitement, il gagna la cuisine et, y faisant la lumière, se lava au robinet, puis chercha quelque chose pour déjeuner. À force de persévérance, il découvrit un réchaud à alcool, un demi-litre d'esprit de vin, un paquet de thé, 2 ou 3 boîtes de biscuits, autant de conserves. Dernier reste des provisions du peintre, fâcheusement insuffisante et d'aspect peu engageant. Il s'aperçut en outre qu'il était quasi affamé, et il n'avait aucune raison de croire qu'il n'en fût pas de même pour la jeune fille. Une expédition à la plus proche charcuterie s'imposait. Mais, après avoir cherché et découvert un vieux cabon appartenant à Solon, Lagnard ne put se décider à laisser la jeune fille seule. En attendant son apparition, il remplit le réchaud à alcool, mit l'eau sur le feu et, allumant une cigarette, s'assit pour surveiller la casserole et examiner les divers problèmes de l'heure. Avec une lucidité singulière, même pour lui, il rassembla tous les faits ayant trait à leur situation, à lui et à Mademoiselle Bannon, conjointement et isolément, et les pesa impartialement. Mais insensiblement, ses pensées revinrent à leur phase exotique de son réveil et l'entraînèrent à un examen mental, comme il s'y livrait rarement, le conduisant aussi loin de l'énigme présente, par des voies ignorées, jusqu'à une révélation tout à fait imprévue et à une décision encore plus subversive. Un regard d'émerveillement brillait dans ses yeux pensifs. Tenu entre ses deux doigts, sa cigarette finit par devenir un long rouleau de cendre, qu'elle laissa tomber et se consuma jusqu'au bout si loin que la braise faillit griller les doigts du rêveur. Il rejeta le mégot et l'éteignit sous son talon, le tout à son insu. Dans une évolution lente mais irrésistible, son univers venait de se retourner sur ses pieds. Un bruit de pas le rappela à lui comme un lointain démesuré. Il leva les yeux, vit Lucia arrêtée sur le seuil, et se leva avec lenteur, se ressaisissant d'un effort et rassemblant ses esprits en vue de la lutte que présageait l'attitude de la jeune fille. Vibrante d'indignation, aiguisée de mépris, elle lui demanda sans autre préambule. « Pourquoi m'avez-vous enfermé ?» Il balbutia misérablement. « Je vous demande pardon. Pourquoi m'avez-vous enfermé ?»« Je suis au regret. Pourquoi m'avez-vous ?» Mais elle s'interrompit pour frapper du pied avec violence, ce qui lui arracha cette réponse. « Parce que je me défiais de vous, puisque vous voulez le savoir. » Elle lui lança un regard sombre. « Et pourtant, vous me pressiez d'avoir confiance en vous. Nos cas sont différents. Vous n'êtes pas, vous, un notoire malfaiteur, réclamé par les polices de toutes les capitales d'Europe, pourchassé en outre par ses rivaux, luttant pour la vie, pour la liberté, et... » Il eut un rire bref pour la recherche du bonheur. Elle aspira l'air avec force, mais il ne put savoir si c'était par gêne ou par simple étonnement de sa franchise. « Vous l'êtes réellement ? » fit-elle avec vivacité. « Si je suis quoi ? Ce que vous venez de dire ? Un cambrioleur ? Et le reste ? Mais, Mademoiselle Bannon, vous le savez bien. Le loup solitaire ? Vous le savez depuis longtemps. De Morbihan vous l'a dit, ou bien votre père, ou bien vous l'avez deviné, d'après les bravades de Morbihan au restaurant. En tout cas, c'est assez clair. Le seul désir de trouver une preuve que je suis bien le loup solitaire vous a amené dans ma chambre la nuit dernière, soit pour votre édification personnelle, soit à l'instigation de Bannon. Tout comme le seul dégoût de ceux qui se brassaient vous a fait vous enfuir d'une si abominable société, bien que, là-dessus, je ne crois pas que vous ayez même deviné à quel degré d'indicible perversité ils en sont. » Il se tut, s'attendant à une dénégation fougueuse ou à une réfutation. Telles devaient être en effet les conséquences naturelles de l'humeur où elle était en descendant pour l'affronter. Au lieu de cela, cette remarque parut la calmer et lui rendre son sang-froid. Loin de s'en fâcher, elle en reconnaissait la justice. La colère abandonna ses traits, les laissant attentifs et graves. Elle s'avança posément dans la pièce et le regarda en plein par-dessus la table. « Vous avez pensé tout cela de moi, que j'étais capable de vous espionner, et malgré cela, vous avez eu la générosité de croire que je me méprisais de le faire ? » ?»« Pas au début. Au début, quand nous nous sommes rencontrés là-bas dans le corridor, j'étais persuadée que vous veniez de nouveau m'espionner. Ce n'est qu'en m'éveillant ici, il y a une demi-heure, que j'ai commencé à comprendre de quelle impossibilité il était pour vous de vous prêter à une vilenie comme celle de la nuit dernière. Mais, puisque vous pensiez cela de moi, pourquoi avez-vous... Il me semblait que ce serait tout aussi bien de vous empêcher d'aller faire votre rapport au quartier général. Mais maintenant, vous avez changé d'avis à mon égard ? » Il fit « oui » d'un signe de tête. « Mais pourquoi ? » demanda-t-elle d'un ton d'étonnement. « Pourquoi ?»« Je ne saurais vous le dire, » fit-il lentement. « J'ignore pourquoi. Je présume seulement que c'est parce que je ne puis m'empêcher de croire en vous. » Elle rougit et son regard vacilla. « Je ne comprends pas, » fit-elle. « Moi non plus, » avoua-t-il d'un ton aussi bas. Le soudain débordement de la casserole leur fut une diversion opportune. Lagnard enleva l'eau du feu et la versa lentement sur une dose de thé mise dans un pot de grès. Une tasse de ce breuvage et quelque chose à manger, cela ne nous fera pas de mal, hasarda-t-il avec un sourire mal assuré, en particulier s'il nous faut poursuivre cette enquête psychologique sur l'origine de la tendance de l'esprit humain à changer d'opinion.